Troisième partie. Chez le pharmacien. Voilà une ordonnance de mon docteur. Merci, monsieur. Oh, vous en avez des médicaments à prendre. Alors, je suis très malade. Qu'est-ce que le docteur vous a dit? Il m'a dit que ça n'est pas grave. Mais vous savez, les docteurs, je vais vous expliquer mes symptômes. Je ne me sens pas bien et j'ai mal là et là. Oh, vous savez, je ne suis pas médecin.